Bonjour à toutes et à tous. Un verset. D'accord. Ok. Amen. Merci et pour son amour, parce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce matin, c'est encore une grâce pour nous. Je crois qu'en pensant au nombre de Noël et de Pâques que nous ajoutons à nos vies en tant que chrétiens, on peut dire encore que ça fait un actif, ça fait quelque chose, un actif. Et à travers les chants qui ont déjà été ici entonnés, nous avons déjà dit beaucoup de choses et nous avons encore manifesté notre joie pour ce jour qui est un anniversaire assez important. Je crois que si on enlevait la Pâque, l'événement de la Pâque dans la vie des chrétiens, je ne suis pas sûr qu'il y aurait quelque chose qui allait rester. Parce que je crois que c'est par cet événement que Dieu a, de façon souveraine, ouvert la grande porte du salut pour tout l'univers, pour toute l'humanité. Et ça, c'est une vraie grâce. Si nous regardons à la manière dont les hommes font les choses, ils allaient le faire en tenant compte soit de leur nationalité, soit de leur groupe ethnique, soit de leur localisation. Mais Dieu, à travers l'événement de la Pâque, a, comme ce verset de Romains nous le dit, il a encore donner son Fils pour que vous et moi, nous puissions dire ce matin, voilà, nous sommes en Christ, nous sommes sauvés. Souvent, lorsque nous célébrons cette fête, nous nous rappelons de tout ce que le Seigneur a subi, de tous les événements qui, en quelques jours, je peux dire si on compte la fin du ministère, des événements qui sont précipités au bout de 72 heures. Et à la fin, on dit voilà, il est ressuscité. Ce matin, je voudrais que, au lieu de regarder l'événement de cette façon, que nous regardions à ceux qui étaient proches du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? Je crois que ça, cela nous encourage. Et c'est pour cela, le partage de ce matin, je l'ai intitulé « Pourquoi proclamer le ressuscité ?» Pourquoi proclamer le ressuscité ? Si, comme l'apôtre Paul le dit, s'il était mort et que plus rien ne s'était passé après, c'était une perte. C'était vraiment quelque chose, j'allais dire, on allait dire « dommage ». Mais après la mort, il n'est pas resté. Il y a eu un événement après cela. Il est ressuscité. Et ses disciples, ils étaient plus proches. C'est eux qui ont vécu la chose. Et je voudrais ce matin que nous lisons un long passage. Parce que ça fait deux chapitres. Bon, je ne pense pas que ça soit si long que ça. Je voudrais que nous parcourons le chapitre 3 du livre des Actes et le chapitre 4 du livre des Actes. À travers ces deux chapitres, nous allons voir comment les disciples qui étaient là, et ici, en l'occurrence, Pierre et Jean, eux, après cette résurrection, ce qu'ils avaient entrepris de faire et pour quelles raisons ils le faisaient. Et je crois que cela peut nous aider aussi. Parce que nous sommes à plus de 2000 ans après l'événement. Mais ils étaient à quelques jours peut-être après l'événement. Et voyez comment ils se comportent. Et souvent, quand nous regardons à ceux qui sont les témoins immédiats, nous avons suffisamment d'informations et cela peut nous aider. Donc, je voudrais que nous commençons la lecture. Acte au chapitre 3. Je vais demander à quelqu'un de lire les 11 premiers versets pour nous d'abord. Acte 3, les 11 premiers versets. Amen. Rappelez-vous que si nous montons un peu le chapitre précédent, c'était l'Esprit de Dieu qui était descendu, ce qu'ils attendaient. Ces gens qui voulaient, ils étaient allés dans la chambre haute, ils ont attendu pour que celui que Dieu allait envoyer comme consolateur pour venir les aider, que celui-là vienne. Et en regardant à ce texte, les 11 premiers versets, nous voyons que c'était comme un des premiers miracles qui se déroulait là. Voilà Pierre et Jean allant à la prière. Et cet homme, comme nous dit le texte, se trouvait chaque fois assis là pour demander aux gens de lui donner quelque chose. Bien sûr, il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Mais il n'avait pas quelque chose pour lui donner. Et c'est pourquoi ils ont dit, « Je n'ai ni argent ni or pour toi. » Mais ce qu'ils avaient, voyez, était plus que l'or et l'argent. Ils lui ont dit de se lever. Et il s'est levé. Et la fin de notre lecture nous montre qu'il n'était plus assis. Cet homme suivait Pierre et Jean où ils allaient. Je crois qu'il a reçu plus que l'or, il a reçu plus que l'argent, n'est-ce pas? Être assis à la porte, en train de mendier, compter sur la bonté, la générosité des uns et des autres, je suis convaincu qu'à la fin de la journée, si c'était un travail qu'il faisait, peut-être qu'il allait avoir plus que ce qu'on allait lui donner. N'est-ce pas? Lorsque les mendiants viennent vers vous, vous êtes prêts à donner? Docteur, c'est facile à donner? Bon, surtout quand vous voyez que c'est quelqu'un qui semble être en bonne santé et puis bon, il ne veut rien faire, vous dites c'est un fainéant. C'est pas cela? Bon, et en tout cas, on aime dire à la maison là, que Dieu te donne. C'est que l'apôtre Jacques a dit quoi? Quand tu lui dis va, chauffe-toi, il a dit que c'est quoi? C'est normal. Il y a un manque d'amour pour lui. Mais, vous voyez, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on est. On se débarrasse d'eux. Que Dieu te donne. Point. Cet homme, c'est sûr qu'après avoir reçu la guérison, maintenant qu'il peut marcher, il savait que toute sa vie était changée. Et à la suite de ce que cet homme allait faire, à la suite de ce que les gens voyaient, ce témoignage a obligé Pierre, ou je peux dire, ce témoignage a eu comme effet sur eux, de s'adresser à la foule. Et c'est ce qu'ils ont dit à la foule qui m'intéresse ce matin. Et je vais le lire. Je continue ma lecture. Je lis dans 8 secondes. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on accorda la grâce d'un meurtrier. Qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Je m'arrête là. Ils étaient tous étonnés. Et cet étonnement faisait que tous regardaient en Pierre et Jean comme la source de cette puissance. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous et moi, à leur place, allions avoir comme réaction? Mais voyez, Pierre explique. Il pose des questions. Il leur pose deux questions importantes. Pourquoi d'abord étonnés sont-ils de ce qui est arrivé? Et deuxièmement, pourquoi eux les regardent comme si c'était en fait eux par leur puissance que cela est arrivé. Pourquoi le font-ils? Pourquoi posent-ils ces questions à ces hommes qui étaient ses compatriotes? Ils ont dû les côtoyer. Et la preuve palpable était là, que cet homme que tout le monde connaissait comme le boiteux qui était à la porte, cet homme était sur pied et était avec eux. Il n'avait pas été dans un centre hospitalier et puis ressorti avec un monsieur. Non. C'est quelque chose qui s'est passé de façon instantanée. Et c'est pour cette raison que Pierre s'appuie sur la connaissance que chacun d'eux avait. D'abord, il les appelle hommes israélites. Est-ce que c'était des étrangers? Non. Ils n'étaient pas des étrangers. C'était ses compatriotes à lui. Et il revient en leur parlant du serviteur du Dieu d'Abraham, le Dieu de qui? Isaac et le Dieu de Jacob. C'est leur contexte, c'est leur Dieu à eux. Ce n'était pas un Dieu étranger. Donc, il les ramène dans leur contexte et il leur parle du serviteur de ce Dieu-là. Et je peux dire, vous voyez, avec quelle douceur il s'adresse à ces gens-là. Il ne les a pas accusés de façon violente dans un premier temps. Parce que nous verrons plus tard comment il va parler ailleurs. Il leur dit, justement, c'est celui-là. Et il le qualifie de plusieurs façons. Il a dit d'abord le serviteur de ce Dieu-là, qui, que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait de lui? Vous l'avez renié, et pas simplement renié, vous avez fait quoi? Vous l'avez, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Est-ce qu'il l'avait renié seulement? Non, il avait tué. Et il dit, vous l'avez renié, et quelqu'un même qui n'était pas un Israélite, qui était ce derrière-là? Pilate. Pilate a voulu qu'on laisse cet homme-là. Je ne sais pas. Bon, ceux qui ont fait du droit, vous savez quand même quelqu'un qui a fait du droit par rapport à quelqu'un qui n'en a pas fait du tout. Bon, c'est comme un aveugle et puis quelqu'un d'éclairé. Ou bien, c'est pas cela? Il n'y a pas de Jésus dans la maison? Il y en a, non? Oui. Cécile est là. Voyez, pour un non-juriste, quand vous dites « nul n'est censé ignorer la loi », vous dites « ils sont fous ces gens-là ». C'est pas vrai? Quand vous n'êtes pas un juriste, si on vous dit ça, vous allez dire à ces gars-là « ils sont fous ». « Nul n'est censé ignorer la loi », ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samuel qui est assis, il doit connaître toute la loi. C'est pas vrai? Même s'il fait médecine là, il n'est pas censé ignorer la loi. Voyez? Et nous allons nous étonner, on va dire, mais ils sont pas corrects ces gens-là. Comment est-ce que vous pouvez dire ça à tout le monde? Moi, je suis un paysan, je suis dans le champ, quelle loi je peux connaître? Voyez? Mais eux, ils savent que tout ce qui se dit, c'est dans un cadre bien précis, et ils savent comment comprendre cela. Et c'est pour cette raison que quand on les regarde dans un jugement, on ne comprend plus rien. Quelqu'un a mal fait, et puis on est là, on tourne à travers des termes. Nous ne comprenons pas. Ou bien, vous comprenez quelque chose dedans? On prend des textes, on prend des virgules, on prend des choses, on discute là-dessus longuement. Vous dites, ces gars-là, ils perdent du temps. Parce que nous, on ne comprend pas ça. Là, c'est là, tu comprends beaucoup de choses dedans? Non, nous ne comprenons pas. Mais c'est eux leur langage. Nous sommes devant le même cas d'espèce. Pilate n'était pas un Israélite. C'était un Romain. Voyez, un grand chef romain, il n'avait rien à voir avec ces gens-là. Mais lui, il a même découvert, il a compris que ce monsieur-là, celui qu'on a renié, c'est pas normal. Il a trouvé que c'était injuste. On l'accusait, il fallait le libérer. Il a voulu le faire. Lui qui n'était pas un juif, lui qui ne connaissait pas leur loi, et qui a eu quand même ce sentiment que ce monsieur n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'on a fait? À la place de ce juste qui n'a rien fait, ils ont exigé qu'on fasse quoi? Qu'on relâche un meurtrier. Ça ne se comprend pas. Nous ne comprenons, nous, à la place de ces gens, nous n'allons pas bien comprendre. Que ce soit un non-juif qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur loi, et qui trouvent que ce n'est pas correct. Lui leur a dit, il faut laisser ce monsieur-là. Pierre leur rappelle cela. Et qu'est-ce que Pierre dit? À la fin, il leur dit qu'il sait qu'ils l'ont fait par ignorance. Et même leurs chefs aussi ont fait cela par ignorance. Vous voyez, c'est comme il ne dit pas, il ne les pique pas. Mais il leur rappelle ce qui a été fait à ce juste-là. Et il lui donne plusieurs qualificatifs. Il a dit d'abord le serviteur de Dieu, ce qu'il a fait à son serviteur. Ensuite, il revient, il dit au juste. Et ensuite, saint. Pour quelle raison? Parce que c'était vrai. Les Écritures nous disent que il n'a point péché. Pendant son ministère, là, étant dans cette chair, il n'a pas péché. Il était juste. Il était saint. Pierre rappelle tout cela. Voilà ce que vous avez fait. C'est cet homme que vous avez renié. Il rebondit sur la puissance qui leur a permis de permettre à cet homme de se lever, voilà, il repart à la source. C'est en son nom, justement, que nous nous avons parlé. Et c'est la foi en son nom que cet homme a eu ses pieds affermis. Vous voyez? Il ne saute pas d'étape. Il part jusqu'au bout. Ce qui lui est arrivé, voilà. Cet homme, ce n'est pas par nous, notre force, non. C'est justement au nom de ce serviteur que vous avez renié, condamné et même après tué. C'est en son nom que nous avons parlé. Et c'est en son nom également que le paralytique a cru. Et c'est à cause de cela qu'il a eu cette guérison. Il n'est pas simple de dire cela à des gens, mais vu que le monsieur était devant eux, palpable, la preuve était là, qu'il était assis, paralytique. Maintenant, il est sur ses deux pieds et il les suit, il ne peut pas ne pas accepter. C'est pourquoi ils ont accouru en masse. Et Pierre et Jean craignaient qu'on ne les prenne comme eux, les auteurs, qu'on ne les glorifie, parce qu'eux, ils savaient qu'ils n'avaient pas droit à cette gloire-là. Ils ont été des instruments. Vous et moi, à leur place, je ne suis pas sûr que nous allons avoir assez d'humilité. C'est pas cela? Quand vous regardez, on parle de ces huiles saintes, ces huiles d'onction, et puis on vous dit, bon, vous allez, on va prier pour vous, et puis vous laissez une enveloppe. Vous pensez que c'est quoi? C'est pour glorifier Dieu? Non. Les gars glorifient leur poche. Donc, Jean et Pierre étaient conscients qu'il fallait que ces gens, on le leur explique. Et après cela, ils ne se limitent pas à ça seulement. Voici ce que Pierre dit à ces gens-là. Verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il soit celui qui vous a été destiné. Celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et il continue en histoire parce qu'il sait que ses frères israélites savaient de quoi il s'agissait. Parce qu'ils connaissaient toute l'histoire de Moïse. Ils lisaient. Et aussi connaissaient tout ce qui était dans la Torah. Ils savaient. Il les appelle à venir à la repentance afin que leur péché soit effacé. C'est ce que le ressuscité voulait qu'il fasse. Parler de lui. Montrer que c'est lui la source du salut. Celui qui, par son sacrifice, efface les péchés et redonne ce rafraîchissement dont parlait Pierre. Il ne pouvait pas sauter cette étape-là. Et vous voyez, il connaissait bien ces hommes et ces femmes qui ont accouru. Et la suite du texte nous dit qu'il y a eu beaucoup, environ 5000 personnes qui se sont converties. C'était bien, n'est-ce pas? Il voyait, le monsieur était là, voilà la preuve palpable. Et ce qu'il a dit, joint à cela, cela a convaincu beaucoup des auditeurs et ils sont venus, ils se sont convertis. C'était bien. Mais les problèmes ne font que commencer. En continuant notre lecture jusqu'au verset, au chapitre 4, nous voyons qu'ils sont dans un problème. Parce que ça commence à faire du bruit. Tout autour, les gens sont au courant. Et les responsables, les grands sacrificateurs, les sadducéens et autres, ils ont dit, ça pose problème ici. Il faut arrêter ces gens-là. Parce que c'est une secte. Ils sont en train d'attirer les gens dans cette secte. Nous, ce que nous leur enseignons, ils risquent de ne pas pouvoir suivre. Et qu'est-ce qu'ils font? En allant au chapitre 4, nous voyons que des problèmes commencent à se à faire jour. Et je voudrais demander encore à Bayou de lire encore quelques versets là, jusqu'au verset 7. Chapitre 4, 1 à 7. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand arrivèrent les prêtres, les chefs des gardes du temple et les sadducéens. J'étais très mécontent que les deux apôtres enseignent le peuple et lui annoncent que Jésus était ressuscité. Habilement parla que les morts peuvent revenir à la vie. Ils les arrêtèrent et les mirent en prison jusqu'au lendemain, car il était déjà tard. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu le message annoncé crurent et le nombre des croyants s'éleva à 5000 hommes environ. Le lendemain, les chefs des Juifs, les anciens et les maîtres de la loi s'assemblèrent à Jérusalem. Il y avait en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent amener les apôtres devant eux et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous accompli cette guérison? Amen. Regardez la foule de gens, très important sur le plan religieux, qui ont attrapé les deux pauvres. Il est dit que le responsable du temple, lui, l'a fait, on les a attrapés, on les a jetés en prison. Ils ont passé une nuit là-bas. Vous avez déjà fait la prison? Vous avez déjà goûté à une cellule une nuit? Ce n'est pas un lieu où on vous cajole et puis on vous reçoit. Bon, et d'ailleurs, le fait qu'on vous jette là-bas, déjà, on montre que vous êtes un malfaiteur, n'est-ce pas? Bon, on parle de garde à vue et autres. Bon, chez eux, ce n'est pas une histoire de ce genre. Alors, vous êtes à prison. Et simplement parce qu'on dit qu'il faisait déjà soir. Vous voyez? On ne regarde pas en termes. On pouvait les confiner quelque part, mais on les a jetés en prison pour être sûr que demain matin, on va les avoir. Et voilà les grands qui viennent. On a, sa version est assez intéressante. Parle du grand sacrificateur. Et puis tous les membres de sa famille. C'est-à-dire les grands, les chefs religieux, ils les mettent au milieu et ils leur posent une simple question. Parce qu'eux aussi, bien sûr, ont entendu, eux n'étaient pas là, ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu qu'il y a eu une guérison, il y a eu un miracle. Et ils leur demandent, c'est au nom de qui et par quel pouvoir ils ont fait cela. Je ne sais pas si nous devions nous mettre à leur place. Comment est-ce que nous allons réagir? Nous qui sommes ici, est-ce que vous croyez que chaque fois qu'une autorité, surtout quand c'est une autorité judiciaire, on vient vous faire venir devant, tout le monde a le courage de parler? Certains demandent pardon, même si ça n'a même pas ce qu'on leur reproche. C'est pas ça? Bon, vous pouvez même avoir raison. Mais vous voyez, on les met au milieu et c'est déjà comme un jugement. Et on leur pose la question. Par quel pouvoir vous avez fait ça? Quelque chose est arrivé. Par quel pouvoir? Il faut nous expliquer. Le verset 8. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Regardez avec quel, j'allais dire quoi, avec quelle intrépidité Pierre s'adresse à ces grands-là. Et la suite nous dit qu'ils étaient étonnés. Je peux même dire choqués de voir des gens sans instruction leur adresser des paroles assez fortes comme ça. Pierre leur appelle. Et vous voyez là, il ne contourne pas. Au chapitre 3, il a dit, vous étiez peut-être ignorants, et ainsi que vos chefs. Quand quelqu'un est ignorant, est-ce qu'on le blâme comme quelqu'un qui sait et qui fait? Je pose la question. Quelqu'un qui sait et qui fait, lui, on ne peut pas lui pardonner. Mais un ignorant, on peut dire, il ne sait pas, il faut le laisser. Même ces forces de l'ordre que vous voyez souvent, il rencontre quelqu'un, quand il regarde votre attitude, votre apparence, il sait que vous n'êtes pas un ignorant. Donc il vous dit, il faut t'arrêter ici. Mais quand il regarde à l'autre, habillé d'une façon avec son vélo, sans les pédales pointues, quand il le regarde, il sait que ce monsieur-là, vraiment, il ne connaît pas beaucoup. Il va lui dire, il faut partir. Mais ne traverse plus la voie là comme ça. Ça, c'est sens interdit. Il va dire ça. Mais si vous êtes bien habillé, on se dit non. Lui, ses yeux sont un peu ouverts. Ou bien, ces gens qu'on connaissait comme de simples pêcheurs, voyez avec quelle énergie ils s'adressent à ces grands responsables religieux. Et dans l'adresse, ils les accusent. C'est Jésus de Nazareth là que vous avez crucifié. C'est par son nom. Ils doivent être piqués au vif eux-mêmes. Qui sont-ils pour nous accuser? C'est par son nom que ce que vous avez demandé là, c'est par son nom que cela est arrivé. Ils ne savaient que dire. Et voyez, ils continuent en disant qu'il n'y a que le seul nom par lequel ils puissent être sauvés. Un seul, et c'est ce nom-là. Et il dit, sur la terre, dans le ciel, il n'y a pas un autre nom. Bon, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé dans une discussion assez violente avec quelqu'un. Vous lui dites non, c'est par Jésus-là qu'on peut être sauvé. On vous dit, quel Jésus? Qui est-il? Si vous avez déjà eu affaire à un musulman, et surtout quelqu'un d'un intégriste, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Quand vous lui dites, il n'y a pas un autre nom, ils vont vous dire, ce n'est pas vrai. Et ces guides religieux étaient convaincus que ce Jésus-là n'était qu'un simple imposteur. Pour eux, c'est comme ça. Et c'est Pierre qui prend son courage pour le lui dire, pour le leur dire, qu'il n'y a pas un autre nom dans le ciel et sur la terre par lequel on puisse avoir le salut. Il nous a dit que c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'était déjà à l'œuvre. Ils étaient devant des adversaires. Peut-être que dans le premier cas, dans le chapitre 3, ces adversaires n'étaient pas aussi virulents que ces responsables religieux. Ils ne pouvaient pas le faire avec leur propre force. Et par la suite, eux-mêmes sont étonnés. Et c'est pourquoi ils disent, au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnaient de sortir du Sanhédrin. Et ils délibéraient entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes ?» Voilà la confusion. Ce que ces hommes ont dit, bon, même si nous ne croyons pas en cela, mais la vérité est que l'homme, il est guéri, il est en bonne santé, à côté. Et les gens l'ont vu. Ils ont passé une nuit en prison, n'est-ce pas? Le bruit avait couru la veille. Et c'est sûr que le bruit n'a fait que s'agrandir. Donc ça veut dire que beaucoup de gens étaient au courant et surtout que cet homme était encore là avec eux. Il fallait trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait en des cas de ces gens-là? S'ils disent la vérité, ils sont d'accord, ça voudrait dire qu'ils se renient. Mais s'ils refusent aussi, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Il faut trouver un compromis. Il demande à Pierre et à Jean de ne plus en parler. C'est ce qu'on leur fait comme proposition. Et fermement, on les met en garde. On ne veut plus vous entendre parler de cela. Mais vous voyez, ces gars-là sont têtus. Hein? Est-ce qu'ils ont accepté? Ils ont dit, bon, comme vous nous avez libérés, ça va. On ne parle plus. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? C'est ce qu'ils ont fait. Bah, tu peux lire la suite. Donc, à partir du verset 16. Il se disait, que ferons-nous de ces hommes? Car tous les habitants de Jérusalem savent clairement que ce miracle remarquable a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour que la nouvelle de cette affaire ne se répande, merci. Voyez la confusion qui était en leur sein. On a menacé ces gens, on leur a défendu même de parler encore au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas accepté. C'est ça que je dis, vous voyez, c'est comme si c'était des gens têtus. Ils ont dit, est-ce qu'il est mieux pour nous d'obéir à vous les hommes plutôt qu'à Dieu? On ne va pas le faire. Ils étaient impuissants. Parce que tout Jérusalem était au courant de ce miracle-là. L'homme était là. Ce n'est pas un bambin, on dit un homme âgé de plus d'une quarantaine d'années qui peut se défendre, qui peut expliquer. Et c'est le nom de ce Jésus ressuscité. Il revient là-dessus, c'est encore lui. Je vais terminer en allant avec ce que ces gens, une fois qu'ils ont été menacés, sachant ce qui était en train de se passer, ils ne se sont pas limités là. La suite du texte nous dit qu'ils sont allés, ils ont rendu compte aux autres et ensemble, ils ont prié. Et c'est cette unité de prière que je voudrais que nous considérons encore. Je lis à partir du verset 26. Voilà ce qu'ils ont dit, c'est la suite. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, tu as oint Hérode et Ponce Pilate. Et Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Une menace est encore là. Ils savent que cette menace ne va pas s'arrêter. s'ils ont déjà été menacés, cela veut dire que chaque fois qu'ils vont se retrouver encore pour prêcher, pour proclamer de ressusciter, c'est sûr que la menace va continuer. À leur place, je ne suis pas sûr que nous allons nous comporter de cette façon-là. On vous a enfermé en prison, on vous a fait sortir avec des mises en garde fermes de ne plus parler de ce Jésus, et vous décidez de continuer à parler de ce Jésus, voulant dire que, en décidant de continuer à parler de ce Jésus, vous êtes sûr que vous allez être agressé. Qu'est-ce qu'on allait demander à Dieu? Mon ami, toi, tu allais dire quoi à Dieu? Protège-moi, c'est ça? Mets-moi à l'abri. Et même, toi, tu serais gentil de dire ça. Quelqu'un dirait, descends le feu sur ces gars-là. Ce n'est pas la réaction normale. C'est parce qu'ils sont là qu'ils s'opposent à moi. Si le feu descend sur eux, les brûle, c'est fini. C'est pas ça? Non, je pose la question, c'est pas ça? C'est fini. Mais, voyez, ils ne parlent pas en ces termes-là. Ils ne les regardent même pas comme des agresseurs qui pouvaient les empêcher. Ils ont dit simplement à Dieu de leur donner de l'assurance afin qu'ils puissent faire quoi? Qu'ils puissent continuer à proclamer. Et ils demandent à Dieu de permettre qu'à travers cette proclamation-là, il y ait des prodiges, des miracles pour glorifier leur nom, pour dire c'est nous, les apôtres, c'est nous. C'était pour ça? Non. C'est pour que les gens sachent que leur proclamation est la vérité. Regardez cette manière de demander de la force à Dieu. Quel modèle? Moi, je crois que chacun de nous, nous devrions suivre ce modèle-là. Ils s'effacent, eux. Ils s'effacent totalement, mais ils demandent à Dieu de leur donner, de les équiper, afin qu'ils puissent annoncer avec assurance. Vous voyez, de la même façon qu'ils ont avec assurance parlé au Sanhédrin, s'ils peuvent parler aux gens avec cette assurance, est-ce que les gens ne vont pas croire? Ils vont croire. Et si Dieu, à travers leur proclamation, joint des miracles, des prodiges, est-ce que les gens vont douter? Cet homme qui était avec eux, tout le monde le voyait, il est dit que tout Jérusalem avait entendu parler de cela. Tout Jérusalem. Quand on dit tout Ouagadougou, là, vous pensez que c'est combien de personnes? Hein? Vous croyez qu'une bonne nouvelle, une nouvelle de ce genre-là ne circule pas vite? Bon, à notre temps avec les portables, ça c'est très rapide, n'est-ce pas? Mais malgré leur temps, une nouvelle, ça circule vite. Vous avez entendu? Et puis on grossit même la chose. C'est pas cela? Vous avez entendu, il paraît qu'il a guéri plusieurs malades devant lui. Or, c'est un seul. Mais tout le monde, tous ceux qui voulaient voir, regardaient à côté d'eux. Cet homme était avec eux. Quel modèle devrons-nous, vous et moi, prendre? Pourquoi Pierre et Jean étaient-ils capables de prêcher le ressuscité? La raison est simple. Ils étaient convaincus. Parce qu'ils ont dit, c'est en son nom que nous avons prié. Et cet homme aussi, il a cru en son nom. Voilà pourquoi il est guéri. Et ils avaient cette assurance qu'en son nom, le Sanhédrin ne pouvait rien leur faire. Les enfermer en prison. Bon, jusqu'à ce qu'ils veuillent, ils peuvent bien. Si vous lisez la suite, ils ont été enfermés une fois et puis un ange a ouvert la porte, ils sont sortis. Bien. Donc, ils sont convaincus que se ressusciter, c'est la vérité. Nous fêtons cette Pâque-là chaque année. Et j'ai dit que si nous devons compter le nombre de Pâques, en comptant notre progression, il y a beaucoup de Pâques que nous avons déjà bouffées, n'est-ce pas? Mais moi, je voudrais que chaque fois, nous nous rappelons de ceci. Si sa résurrection n'avait aucun sens, ce que nous venons de lire n'allait pas être relaté. Si ce n'était pas vrai, ces miracles et ces gens qui sont guéris, aujourd'hui encore, en son nom, cela n'allait pas s'opérer. Si ce n'était pas vrai, le rafraîchissement dont Pierre a parlé, les gens reçoivent cela. Des gens sont sous la pression satanique, ont pris au nom de Jésus, ils sont libérés et ils reçoivent ce rafraîchissement-là. Ils ont cette paix en eux. Et cela continue. Comme Christ a dit, jusqu'à son retour, il en sera ainsi. En tant qu'Église, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons demander à Dieu de nous donner la même assurance que ses disciples-là, pour qu'on puisse prêcher le ressuscité. Pas nous, notre nom. Parce que la plupart du temps, c'est ce que les gens font. Ah, il faut aller voir un tel là. Lui, vraiment, il a une onction spéciale. Quand il prie, seulement tu guéris. Bon, quand on dit ça, qui est glorifié? Qui est glorifié? Hein? C'est celui qui prie, non? C'est lui qui est glorifié. Non. Lui doit s'effacer. Comme ses disciples l'ont dit, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas nous. Ils ont tenu à faire cette clarification. Et en tant que disciples de Jésus, c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas prêcher autre chose. C'est lui. Nous étions à un mariage hier. Et le prédicateur a dit, Dieu vous dit la vérité. Ces gens qui se marient là, ce n'est pas simplement, ce n'est pas eux. Il a même dit des choses que beaucoup de gens ont dû être choqués. Il a dit, la fille, la dame là, ne doit pas être le centre de ta vie. Non, ce n'est pas elle le centre de ta vie. Celui qui est le centre de ta vie, c'est qui? C'est Jésus. Et il dit, le monsieur là, il ne doit pas être le centre de ta vie. Non, c'est Jésus le centre de ta vie. Et vous vous mariez pour vous entraider afin d'atteindre ce but ultime-là, le ciel. C'est ça. Vous vous entraidez entre vous. Et je crois qu'un bon prédicateur doit dire aux gens, s'il y a bien quelque chose que je vise, c'est quoi? C'est le ciel. C'est pas cela? C'est pas le ciel? C'est ça, le but de notre marche. La fin de notre marche-là, c'est ça. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour aller là-bas. Nous devons éviter tout ce qui peut être un obstacle qui nous empêche d'y aller. Si votre femme vous force, elle est un obstacle qui va vous empêcher à y aller. Vous faites comment? Je l'aime, et puis vous restez? Hein? Draman peut dire cette vérité-là. Ah, on risque fort de sauter et la laisser. Ah, parce que si ça va vous empêcher, et vous savez que vous n'avez pas d'autre choix, vous faites comment? Si la même chose, votre mari est celui qui vous empêche, qui est l'obstacle là, vous allez faire quoi? Vous lui avez parlé en vain, vous n'avez pas vous chercher? Si. Moi, je crois que ça, vous allez dire, ah, si c'est ça que tu veux m'empêcher, tu me dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne veux plus aller à l'église là. Tu me dis à partir d'aujourd'hui, tu ne veux plus faire ça. S'il te plaît, je crois que je ne vais pas accepter. Ça, c'est le début de votre désaccord. N'est-ce pas? Venez-moi. Donc, on a un but que nous visons. Et ce but-là, il faut que nous allons et que nous mettons toute notre attention là-dessus. Il y a tellement de choses qui peuvent nous empêcher d'y aller. Ces menaces qui peuvent nous empêcher de proclamer cette parole-là, qui peuvent même nous fermer la bouche aussi. Notre corps, ça c'est périssable. Ça ira. C'est nous qui qualifions que ah, ça c'est une bonne mort. C'est nous qui qualifions comme ça. Hein? Le feu là brûle, on dit oh, ça c'est atroce. Il a été noyé, oh, atroce. Bon, il allait dormir et puis il est parti. Ah, ça c'est une bonne mort. Mes frères et mes soeurs, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la même chose. Et ce corps là, que ça soit mangé par les poissons, ou bien par les termites, ou par le feu, ça va partir. Ça, ce n'est pas ça l'important. Non, si nous voulons lui le préserver, nous allons perdre ce que nous sommes en train de viser. Et tous ces apôtres, ceux qui étaient avec Christ, si vous regardez la fin de leur jour, beaucoup n'ont pas eu cette mort, je vais dire, cette bonne mort dont nous pensons. Beaucoup ont été maltraités, ils ont été déchiquetés. On les a fait souffrir des martyrs. Mais ils sont partis tranquilles. Nous avons chanté ce matin la partie du chant de Cassa, dont je me rappelle. Il est allé préparer une place là-haut pour nous. Et puis nous allons aller là-bas. Donc, c'est ce que nous visons. Et je voudrais que pendant que nous fêtons cette Pâque-là, que nous rappelons de cela. Il est venu, il a joué son rôle. Il est effectivement mort, mais il est ressuscité. Et cette résurrection, après cette résurrection, vous et moi, nous avons ce privilège et cette grâce d'être appelés enfants de Dieu. Et que nous ne nous fatiguons point de prêcher ce ressuscité-là, pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent aussi le connaître. C'est le but, c'est un des buts de notre existence en tant que chrétien. Si nous sommes des chrétiens, que nous fermons notre bouche, que nous ne pouvons pas dire aux gens que c'est par lui, comme Pierre a dit au Sanhédrin, que c'est par lui seul qu'on peut avoir le salut, il y a un problème dans notre vie. Nous devons tout faire pour être capables de le dire, pour être capables de le proclamer autour de nous, pour encourager les gens, leur demander de venir faire l'expérience. Parce que vous pouvez prêcher, et puis ils ne vont pas vous écouter, mais dites-leur, cherchez-le, vous allez le trouver. Il a dit, celui qui me cherche me trouve. Veuillez vous tenir debout, ma prière. Demandons à Dieu que d'ici la Pâque prochaine, là, qu'il nous donne cette énergie nécessaire afin que nous soyons à tout moment pleins de zèle comme Pierre et Jean, capables de prêcher le ressuscité. Pas autre chose. Pas dire, il faut venir chez nous là, il y a des guérisons là-bas, il faut aller là-bas, il y a ceci. Non, ça c'est vous glorifier votre nom. Ce n'est pas le nom du ressuscité, le juste, le saint. Comme Pierre a dit, c'est votre nom que vous glorifiez. Et ce n'est pas ce que Dieu demande de nous. Prions chacun pour lui-même. Père, je te bénis ce matin encore, je te loue. Je te rends toute la gloire et tout l'honneur parce que tu es le véritable. Ce matin, nous venons à toi pour encore te demander. Toi, éternel Dieu, a accepté de venir jouer ton rôle. Tu as accepté, Seigneur, d'être venu. Tu as accepté, Seigneur, d'être crucifié. Et le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as également envoyé ton esprit pour soutenir tes enfants que nous sommes. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider à pouvoir, éternel Dieu, marcher vers toi. À pouvoir, éternel Dieu, nous attacher à toi. À pouvoir regarder à toi. Merci infiniment. Aide-nous. Soutiens. Fortifie et manifeste ta grâce. Merci pour tout ce que tu es. Donne-nous la force, l'énergie nécessaire que pendant ces jours, nous soyons capables d'ouvrir nos bouches. Nous soyons capables, Seigneur, de proclamer que tu es le Messie, de proclamer que tu es la source du salut au Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous. Seigneur, merci car tu es Dieu, merci car tu es roi, merci car tu es Seigneur. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Bruce de lever sa voix et de clôturer cela. Seigneur, c'est avec des cœurs pleins de reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous sur la croix, Seigneur. Et pour cette résurrection, ce message du ressuscité, Seigneur, que nous avons comme héritage, Seigneur. Nous te demandons de nous remplir avec ton Saint-Esprit pour que nous puissions avoir aussi l'audace que nous avons vue dans la vie de Pierre et Jean et les autres disciples. Que nous aussi, nous pouvons avoir cette audace, que nous puissions être remplis avec l'Esprit pour pouvoir, Seigneur, partager la bonne nouvelle, pour pouvoir, Seigneur, partager cet évangile que tu nous as laissé. Seigneur, sois avec nous, remplis-nous avec ta parole, avec ton Esprit, pour pouvoir suivre cet exemple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et vous asseoir.